Vous écoutez La Ligne ouverte des Aigles avec Simon Liberté en direct du Stade des Aigles et Mathieu Plante des studios de CIFU 89.1 FM. De retour en direct du stade de Finlande-Bédard, les Aigles l'ont emporté ce soir face aux Japonais. Deuxième victoire de suite en fin de 9e manche. Et Mathieu, on est prêt à recevoir les appels à qui qu'on parle dès le départ. Ah, je te dis qu'on va avoir une très bonne émission ensemble ce soir. On a des habitués. On commence avec celui qui a été la vedette de l'émission de dimanche passé, celui qui a co-animé avec toi, Charles Bournival. Salut Charles, ça va bien? Allô Simon, très bien, merci. Donc ce soir Charles, qu'est-ce qui a passé du match? J'imagine que tu es content du résultat? Très beau match. Hey, 5 points en 12 coups sûrs. Wow! Est-ce que tu étais présent au stade? Non, j'ai écouté sur canalnick.tv. OK, puis quel joueur de... C'est qui ton joueur du match dans cette partie pour les Aigles? Steve Brown! Bien sûr! Sans aucun doute, Brown qui a poussé la balle par-dessus la tête, joueur de recours. Et j'en parlais avec René Martin tout à l'heure, me disait que Brown, souvent, c'est le joueur de la situation. Ah, c'est sûr. Et sinon, Charles, toi, avec l'équipe que les Aigles ont sur le terrain présentement, est-ce que tu crois qu'ils sont capables de revenir dans une certaine course pour les séries? Est-ce que tu crois que les changements qui ont été faits sont les bons? Les changements sont très, très bons, oui. Brockett, très bon aussi. Mais ce que j'ai vu aussi hier, 8-7, Danny Richard, aussi très bon aussi, Richard. C'est vrai, Richard, un autre vétéran. René, tu peux nous parler de Richard. Comment que Pierre-Luc a été... T'es capable de chercher un gars comme Richard? Richard et Omar Durant, c'est Raúl Rodriguez qui est en République dominicaine, travaille avec les Yankees de New York. On l'a rencontré quand on est allé à la Série des Caraïbes. Il nous a référé ces deux gars-là. Richard, il change la donne, premièrement, dans notre alignement. Un cinquième frappeur qui a son statut. Le lanceur fait très attention en l'affrontant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de surballes. Et il permet aux gars autour de lui d'être meilleurs, un petit peu le même principe qu'Herrera. Fait qu'actuellement, c'est sûr que Richard, mais en plus, Richard, c'est parce qu'il a mal à l'épaule, mais c'est tout un joueur défensif. Il pourrait stabiliser notre défensive, qui soit dit en passant, un zéro erreur en deux matchs là, contre les Japonais. Donc, il y a une certaine stabilité qui commence à s'établir. Mais Richard pourrait être encore un bon aide pour nous, parce que c'est tout un joueur défensif en plus. Et Richard, on va le placer au deuxième but quand il va être prêt, puisque là, on devra placer Brockett dans l'abri ou comme frappeur désigné? Moi, tu sais qu'actuellement, Brockett, un match comme ce soir, il est dur à tasser. Exact. Parce qu'il fait les jeux de base, il a frappé deux coups sûrs, il fait avancer ses coureurs. C'est un gars que des fois, ça paraît pas, mais dans une équipe, ça prend des gars comme ça. Puis jusqu'à date, on est bien content de ce qu'il donne aux Aigles. Sinon, Charles, est-ce que toi, tu vas être présent au stade demain? Malheureusement, non. Je vais écouter à la radio si je suis capable, là. Parfait. Donc, Charles, merci beaucoup pour ton appel ce soir. Plaisir, Simon. Puis on s'en prendra pour rediffuser ensemble l'an prochain. Oui, pour les gens qui étaient à l'écoute dimanche, Charles était avec moi les trois premières manches et tu as livré la marchandise. Et c'est certain qu'on va se reprendre l'année prochaine. Ah, c'est sûr. Merci. Bonne soirée. Toi aussi, Simon. Bye-bye. Donc, je vous appelle toujours en compagnie du directeur général des Aigles, M. René Martin. Et on va prendre un autre appel dans quelques secondes. Et pendant ce temps, René, ton équipe demain, est-ce que tu es confiant pour une troisième victoire de suite? Oui, Porfirio Lopez, il est très bon depuis le début de la saison. J'aime ce que je vois, là, ce qui s'installe. Comme je te disais, contre New Jersey, actuellement, on s'entend que New Jersey, je crois, est en avance sur nous et sur beaucoup d'équipes de la CANAM. Donc, la fin de semaine dernière, qu'on ait une victoire contre eux, je n'étais pas content, mais en même temps, c'est vraiment une équipe qui est au-dessus de nous. À Ottawa, c'est plate qu'on ait perdu les trois matchs parce qu'il y a au moins deux des trois matchs. Ça a été serré tout le long, puis c'est des petits détails. Là, on voit qu'on... Tu sais, je sens qu'il y a quelque chose qui s'améliore tout le temps. Et j'ai vraiment bon espoir que demain, avec la perte Porfirio Lopez, les gars gagnent en confiance. Il y a moins de petites erreurs stupides. Là. Au début de l'année, les matchs comme ce soir, on les perdait. On trouvait une façon de faire une erreur plate qui était très, très dommageable. Fait que non, j'ai très, très confiance pour demain en Porfirio Lopez. Et à notre équipe, là, de trouver... Parce que le dimanche, on s'entend aussi que c'est pas toujours notre meilleure journée, mais... 0 et 4, la fiche de l'équipe. 0 et 4 le dimanche, fait que quoi de mieux que dimanche le 26 juin pour changer cette tendance. Et parlant des Jackals, eux, bien, ont perdu un lanceur aujourd'hui, puisque c'est Whit Mayberry qui a signé avec une équipe des majeures. Donc, c'est certain qu'une équipe de tête comme ça va perdre quelques joueurs. Je m'attends à ce qu'ils perdent Art Charles également, qui connaît un début de saison tout simplement incroyable. Mais Mathieu me dit qu'on a un autre appel. Mathieu, qui qu'on parle? Oui, j'ai aimé ton joueur Whit Mayberry en français qui ferait évidemment avec mes fruits des champs. Hein, Whit Mayberry. Donc, on a un autre habitué de l'émission et cette fois-ci, c'est un gars qui voulait laisser sa chance aux autres, mais quand même, on aime trop son opinion, on devait l'entendre. Donc, voici Serge Gauthier. Salut Serge, ça va bien? Oui, ça va bien, Simon. Salut René. Salut Serge, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Surtout après deux belles victoires en 9e manche, c'est pas mal extraordinaire, là, par les temps. Ça, Serge, les partisans, j'imagine que dans ta section, ça met un sourire dans le visage d'un petit peu tout le monde. Ah oui, oui, en sortant du stade, là, tout le monde avait bien de bonne humeur, puis tout le monde avait bien de fun, là. Oui, c'est sûr. Et Serge, la question du jour, je demandais aux gens, avec tous les changements faits dans les deux dernières semaines, est-ce que tu crois qu'avec cette équipe qu'on a aujourd'hui, l'équipe des Aigles peut ramener dans une certaine course aux séries, dans un avenir rapproché? Bien, moi, je trouve qu'on a une bonne équipe. Je trouve que depuis le début de l'année, on avait une bonne équipe, sauf que les blessures nous ont fait bien mal. Évidemment, contre-performance aussi dernièrement de Gillis. Mais en tout cas, je crois avec l'équipe qu'on a qu'on est capable d'aller possiblement se tailler une 4e place puis peut-être faire la même chose que l'année passée parce que il y a des choses qui vont se passer non seulement pour les Aigles mais ailleurs. Je viens d'entendre René parler de Charles. Ce gars-là ne restera pas dans la Ligue pour la balance d'année s'il continue à performer comme il performe actuellement. Non, c'est un fait, c'est un très, très bon point, Serge, parce que New Jersey, actuellement, c'est une équipe, moi, je considère quasiment de 3A. Moi, je les trouve trop forts pour la Canam. Je crois qu'ils ont gagné encore contre Ottawa ce soir. Aux dernières nouvelles, Ottawa menait 10-8. 10-8, hier, ils tiraient de l'arrière, puis ils ont gagné le match. Ils ont toute une équipe, beaucoup de profondeur. Ça fait déjà deux gars qui perdent, qui remontent dans le baseball affilié. Fait que oui. C'est certain que c'est pas évident, mais non. De toute façon, l'objectif qu'on s'est fait, on s'est rencontré avec les entraîneurs, la pente est tellement grosse à remonter qu'on veut pas dire tout de suite faut se retrouver dans les séries le 15 juillet. On a calculé le nombre de matchs qui restaient, puis c'est de gruger à chaque semaine. Mais juste le fait de faire les jeux de base, de bien jouer, on s'attend à gagner notre part de match avec l'équipe qu'on a. Puis en faisant ça, on va se rapprocher, puis après ça, bien, tout peut arriver. Oui, moi, j'aurais une question pour René. Au sujet de Merchant et puis de Richard. Merchant, on le sait, il est blessé depuis le début de la saison, ou à peu près, là. Quel est le statut de Merchant? Et aussi, Richard, comment ça se fait qu'on ne le voit pas en défensive? Si je comprends bien, c'est parce qu'il est blessé. Oui, il est blessé à l'épaule. Il est sur le bord. Là. Pierre-Luc l'a rencontré hier, puis il a dit qu'il voulait qu'il assume du leadership. Parce que dans le fond, c'est un vétéran, il a joué dans le majeur, puis il veut que ce soit un leader pour les joueurs dominicains, hispaniques, le Colombie, puis vénézuéliens. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que Merchant a encore un petit peu mal aux pieds. Il fait les pratiques, il est vraiment sur le bord de revenir, mais il va avoir une décision à prendre entre ces deux-là, parce qu'évidemment, Rush, Brown et Herrera ne touchera pas à ça. Par contre, Pierre-Luc aime tellement le travail de Merchant qu'on évalue la possibilité que même s'il ne guérissait pas, moi, j'aimerais ça lui donner un gars qui peut coacher avec Maxime, Rush et Pierre-Luc. Un peu comme ce que Mirabal a fait l'année passée. Fait que Merchant, moi, je suis prêt à vivre avec, même s'il ne revient pas, à ce qu'il donne un coup de main parce que c'est tout un leader. C'est de valeur en passant parce que ce serait possiblement notre meilleur joueur. Là. Ça, il faut être honnête aussi. Là, on a perdu... c'est un joueur vedette, là. Mais encore là, René, lorsque l'équipe va aller aux États-Unis, tu es prêt à jouer avec un vétéran de moins? Non, on a deux voyages à faire aux États-Unis en juillet. Un au début contre Rockland et plus tard contre New Jersey. Mais le problème, c'est le voyage du début du mois d'août pendant le Grand Prix. On part, je pense qu'on joue 11 ou 12 jours. On joue trois séries consécutives aux États-Unis. On ne pourra pas se passer d'Herrera là. Fait que là, peut-être qu'on intégrerait un Merchant ou un Richard ou quelqu'un d'autre, mais on ne peut pas faire ce voyage-là dans une course au championnat à trois vétérans. Là. Ça va en prendre un quatrième. Donc, est-ce qu'on croit qu'Herrera pourrait obtenir ses papiers à temps pour ses voyages du mois d'août? On aimerait beaucoup, oui, pour nous autres, mais sa famille aussi. Là, ça serait vraiment bien. Ça serait la nouvelle de l'année. Là. J'aimerais regagner un autre championnat, c'est sûr. Lutte au Québec, ça, là, non? Oui, c'est ça. Fait qu'on, on peut pas se fier là-dessus. Puis, je veux pas dire que c'est une erreur qu'on a faite dans l'entre-saison, mais oui, il y a eu les blessures. Pedro, on l'a appris tard, parce que Pedro, ça nous fait très mal. Qui a décidé d'aller jouer au Mexique. Ça nous a complètement démoli notre stabilité. Là, on a eu de la misère à trouver. Bien, honnêtement, il faut être honnête, on n'a pas trouvé quelqu'un pour le remplacer. Il faut être franc. Là. On a beau avoir gagné deux matchs, c'est pas Pedro qui joue à l'aréco. Puis le dossier Herrera, qu'on était certain qu'il était pour commencer l'année. Fait que là, on veut pas se retrouver dans cette situation-là au mois d'août. Là, ça serait un manque de prévision puis un manque de vision de la part de moi puis Pierre-Luc à cet effet-là. Là. Mais admettons là, qu'on se ramasse au début d'août puis Herrera n'a pas ses papiers encore. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous pouvez mettre faire un release de Herrera avec une entente avec les autres équipes de ne pas venir le chercher? Ben, oui, ils peuvent pas venir ça le fait, chercher. On l'a fait, Serge, l'année passée, je ne sais pas si tu viens, avec Éric Gagné. On avait sorti Munoz, personne n'avait touché à Munoz, puis on l'avait fait avec Rush aussi dans l'année. C'est que tu perds un partant, tu t'assures qu'il fasse un départ. Mettons, on va jouer contre Québec là, le 3 ou le 4 août. Tu joues ce match-là, le gars qui lance ce match-là, tu le sors pour 16 jours, puis tu peux intégrer quelqu'un. Fait que c'est sûr qu'il y a possibilité de faire ça. Là. OK. Mais est-ce que... Serge, une autre question? Moi, là... Je pense qu'on a une très bonne équipe. Je pense que si la malchance arrête de s'acharner contre l'équipe, on devrait performer très bien. Alors, c'est mon opinion. Tout à fait d'accord avec toi, Serge. si j'étais pas d'accord, on aurait un problème. Mais j'adore ce que je vois de la relève actuellement. Amar Durand va être toute une nouvelle acquisition. Valiquette et devrait recommencer la semaine prochaine. Fait que notre relève actuellement est très, très dominante. Les partants m'inquiètent un petit peu plus parce que là, Gillis, on se fiait beaucoup sur lui. J'ai confiance en nos trois premiers. Planchette, comme cinquième, va faire le travail. Mais je fais pas de cachette qu'on est à la recherche actuellement là, d'un quatrième partant ou un cinquième, là, peu importe où ce qu'on met Blanchette. Là, mais parce que Max, peut-être comme releveur, mais comme partant, là, ça fera pas l'affaire, ça c'est certain. Là, fait que on essaie de se trouver un autre partant pour embarquer dans la rotation. C'est peut-être la place qui nous manque quelque chose actuellement. Bon, ben, tant mieux. Alors, on espère. C'est beau, c'est merci bien. Bonne beaucoup. Soirée, Serge. Merci, Serge. Bonne soirée. Donc, toujours accompagné du directeur général des Aigles, René Martin. Je vous rappelle, le numéro de téléphone, 819-376-5183. 819-376-5183. Je vous demande ce soir, est-ce que vous êtes à l'aise avec l'équipe présentement que les Aigles possèdent? Est-ce que vous croyez que tous les changements qui ont été faits sont les bons et qu'avec cette équipe, les Aigles peuvent espérer remporter des matchs et revenir dans une possible course aux séries un petit peu plus tard dans la saison. 819-376-5183, je suis accompagné du directeur général des Aigles, René Martin. Et pendant ce temps, René, bien, les Capitales de Québec s'amènent ici la semaine prochaine. Est-ce que tu t'attendais que les Capitales, avec des blessures à Carl Gilina, Derek Hawker, et le fait qu'aucun joueur cubain ait été signé à quelques jours de la saison, que cette équipe un 26 juin, bataille. Alors, ce 25 juin, pardon, bataille présentement pour le premier rang de la Ligue Canam. Oui. Les Capitales, pour moi, c'est l'organisation des organisations. Les Capitales, eux autres, ça fait plusieurs années, Pierre-Luc était joué là avec Gagné. Il y avait beaucoup de Québécois, puis à un moment donné, ils se sont retrouvés où il y avait un trop-plein de vétérans. Quand tu as quatre vétérans, puis là, tu te ramasses de ces joueurs, tu perds des bons joueurs, puis tout ça, puis en gagnant tout le temps, il faut toujours que tes gars, tu reviennes avec ces gars-là. En perdant l'année passée en première ronde, ce qui était rare pour eux autres, les Capitales n'ont pas eu le choix de faire peau neuve. Puis ils ont des très, très bons contacts. Puis ils ont une bonne base. Scalabrini fait un bon travail là-bas à Québec. Fait que, sans dire que je m'attendais à ce qu'ils soient si dominants, c'était certain que les trois Cubains qu'il y aurait, ils étaient pour être bons en partant. Les vétérans qui restaient, c'est certain où qu'ils arrivaient. Là, ils ont pogné le premier but. Là, il est très, très bon. Ils jouaient 3A. Ils ont fait un très, très bon recrutement. Fait que oui, les Capitales, c'est comme incrusté dans les ADN. Ils trouvent toujours une façon de gagner. Mais ça va être une série le fun, là, ça, cette semaine, ici, à Trois-Rivières. Parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vus. On les a vus en partant l'année quatre fois. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais effectivement, les Capitales, je suis pas surpris parce qu'ils ont toute une équipe. Puis New Jersey puis Rockland, ces trois clubs-là, en partant l'année, c'était certain que je pensais que nous autres ici, on était pour être là en partant l'année. Puis tu sais, c'est pas pour donner des défaites, mais le premier match de l'année, on les a plantés 11-3. Puis là, tout le monde disait qu'on n'était pas pour être touchable. Là, une série de bad luck est arrivée. Puis après ça, une série de personnes qui n'ont pas fait le travail, puis tout ça, fait en sorte qu'on est dans cette situation-là. Mais il reste que les Capitales, Rockland puis New Jersey, à tous les années, c'est certain qu'ils vont... Eux autres, ils se battront pas eux autres-mêmes. Ils vont toujours être dans le haut. les autres vont courir après. Fait que c'est vraiment ça. C'est toute une organisation, là, les Capitales de Québec. Et le fait que c'est les trois plus anciennes équipes de la Ligue, bien, plus de stabilité, plus de contact. Exact. Mathieu, on a un autre appel. À qui qu'on parle? Oui, je jongle avec les lignes ce soir, ça n'a pas de bon sens. Mais un peu comme dans la Ligue Canam, on a droit à, je pense, trois joueurs vétérans. Donc, un autre qui a fait les trois émissions de suite, c'est Denis Baillargeon. Bonsoir, Denis, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Surtout quand on a un bon match de baseball comme on a eu ce soir. C'est donc plaisant et rafraîchissant. Je tiens à dire que l'équipe du Japon, même l'année passée, là, je trouvais que c'était très beau de les voir jouer. Ils ont une culture, une discipline, puis dans tous les petits détails, ils font bien, puis c'est vraiment très intéressant à voir ce club-là, puis ça l'est davantage quand on réussit à avoir le dessus en comme hier puis ce soir. Là. C'est très bon divertissement. Est-ce que vous croyez que les Aigles vont être capables de l'emporter demain pour balayer une première série cette saison? Pourquoi pas? Pourquoi c'est pas? en arrivant chez nous, là, je vais mettre un restant de chapelet sur la corde de la linge, là, puis on va prier. Et je tiens à souligner également l'excellente performance de Guillaume Blanchette. Ouais. Quelques apparitions qu'il y a eues au monticule en relève laissaient préserver toujours quelque chose de bien intéressant. Puis s'il a été confirmé encore ce soir, je suis bien content de son rendement. Ça nous console d'un rendement d'un Schoenfeld en passant. Et puis, malheureusement, le seul point négatif, Pierre-Luc, s'il te plaît, prépare ta relève un peu plus tôt. D'accord avec toi sur ce point. J'en parlais avec Simon tantôt. Moi aussi, en tant que gérant d'estrade, après la cinquième manche, j'aurais eu un gars prêt tout de suite parce que je trouvais c'est un gars qui donne pas de surballe. Puis là, il tirait trop haut de l'arrière, ses frappeurs. Fait qu'on dirait qu'il a comme cassé c'est rapidement. Deux doubles consécutifs. Et, mon Dieu, Pierre-Luc, sur d'autres plans, j'y lève mon chapeau. Mais là-dessus, là, mon Dieu, il est pas vite, là, Pierre-Luc. Mais c'est ça le point. Oui, mais pardon? J'aimerais ça. Je voulais y en parler ce soir après le match, mais là, Pierre-Luc prépare la relève des Aigles sur le terrain actuellement avec six jeunes, puis il lui lance la balle. C'est tellement un gars qui est généreux de son temps. Mais je voulais voir avec Mathieu, puis tout ça, voir c'était quoi. Il doit une raison, parce que en tant que, quand tu t'en rends compte, puis plusieurs personnes en parlent, il doit une raison pourquoi qu'on le voit, puis que lui, il le voit pas. Là. Mais Denis, je trouvais ça le fun quand tu parles de Blanchette. Souvent, on entend toutes sortes de choses, c'est médias sociaux, que les Aigles font pas attention aux Québécois, puis tout ça, mais le cas de Blanchette, ça, c'est un cas qu'on est très fiers, parce que les Capitales aussi le voulaient, mais Pierre-Luc a beaucoup, beaucoup d'influence auprès de ces Québécois-là pour son expérience, pour son agent aussi avoir joué dans le baseball majeur, puis ça, c'est une bonne histoire, parce que Pierre-Luc, Blanchette, on pouvait l'avoir quand il a fini sa saison universitaire. Pierre-Luc lui a suggéré, prends ton temps, je te donne la chance d'être repêché. Puis cette générosité-là a fait en sorte que Blanchette, la journée où il n'a pas été repêché, le lendemain matin, il était à Trois-Rivières. Puis c'est des histoires qu'on n'entend pas parler, mais c'est que Pierre-Luc, c'est un gars qui est très, très respecté dans la chambre pour ces choses-là, parce qu'il respecte beaucoup, beaucoup les joueurs puis leur carrière. Puis je trouvais que c'est une belle occasion de vous en parler. C'est bon, ça, à savoir. C'est un gars, là, que, comme je t'ai dit, je relève un point négatif, mais dans l'ensemble, Pierre-Luc, il est dans le très, très, très, très, très parfait, là. Mais qu'est-ce que tu veux? On trouve trop de quoi dire, même sur toi, René Martin. Hey, Denis, l'autre jour, t'étais supposé de m'attendre après le match, puis tout ça, mais tu m'as donné la chance, tu m'as dit que tu me donnais une chance. Tu t'en souviens? j'ai été gentil et bon. Je t'ai salué, puis j'ai dit, je te donne une autre chance. Merci, Denis. OK, je vous remercie. Bonne soirée. Salut, Ben. Bon. Donc, toujours accompagné du directeur général des Aigles, René Martin. Je vous rappelle le numéro de téléphone. Dernière chance pour appeler. 819-376-5183. 819-376-5183. Dernière chance pour parler avec le directeur général des Aigles et moi. Sinon, on ferme les lignes, oui, on va se retrouver demain. Et on parlait des Capitales de Québec, mais eux bataillent pour la tête du classement présentement avec les Boulders et les Jackals. Ce soir, quelques matchs terminés. Ottawa l'emporte 10-7 contre New Jersey. En cinquième manche seulement, Rockland mène 6-2 contre Cuba. Et Québec, eux, mène 6-0 en neuvième contre Sussex. René, on a appris une mauvaise nouvelle. Hier, un joueur de Cuba a fait défection et bien est introuvable. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Est-ce que tous les directeurs généraux de la Ligue vous êtes parlé pour établir un plan pour que ça n'arrive pas d'ici la fin du voyage? Est-ce que les autorités cubaines disent aux équipes de la Ligue canadienne, bon, on arrête le voyage puisque une telle situation, c'est inacceptable? Est-ce que tu as eu vent de quelque chose de ce genre? Il n'y a pas personne de la Ligue. On s'était parlé avant pour être sûr que ça n'arrive pas. On avait pris des agents de sécurité en conséquence. Par contre, avec ce qui est arrivé hier, non, il n'y a pas eu de meeting à cet effet-là. Mais c'est pas une bonne raison. Mais malheureusement, les Cubains, dans toutes les sorties, quand moi et Pierre-Luc, on va à la Série des Caraïbes, l'année passée à Porto Rico et cette année, il y a toujours deux ou trois joueurs. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils sortent, ça arrive. Fait que moi, je m'attends vraiment à ce qu'ils terminent leur séjour. Il y a eu des incidents ici, en passant, et à Québec, où ce qu'ils ont eu peur que ça puisse arriver. Finalement, il n'y a rien arrivé. Mais il reste que... C'est difficile à comprendre. Aux États-Unis, c'était évident que c'est Sussex, New Jersey et Rockland sont très près du gros marché de New York. C'est certain que c'était plus plausible que ça arrive là-bas, que ça arrive ici, parce que ici, Québec, c'est sûr que ça a été... on était chanceux que ça arrive pas. Et moi, être quelqu'un de l'équipe de Cuba, peut-être la petite visite au Walmart un après-midi du mois de juin l'aurait laissé faire et peut-être éviter ce genre d'histoire, mais bon. Des choses qui arrivent. Et on va voir dans un avenir si Ramirez va être un joueur de baseball professionnel dans le baseball majeur. Il était bon. Est-il assez bon pour jouer dans les majeures ou peut-être un club affilié à quelque part? Mais comme on peut voir, les Gourriels seraient supposés de sortir prochainement. Oui. Il y en a qui parlaient de San Diego. Mais tu sais, se sont sauvés quand la Série des Caraïbes en République dominicaine. Et on n'a toujours pas de nouvelles où ce qu'ils jouent. Fait que tu sais, C'est des histoires de films, un petit peu comme les Stachnik qui ont quitté. C'est des grosses histoires, puis ça doit être une vie drôle à. Ben, drôle. Peut-être pas pour eux autres, là, mais c'est des histoires de films. Surtout un très long processus avant d'avoir un certain papier pour pouvoir jouer. René, je te remercie pour ton passage avec nous à l'émission d'après-match chez la Tribune téléphonique du samedi. Et les Aigles, bien, on va espérer qu'ils vont l'emporter demain. Ils vont tenter de balayer une première série cette saison. Et chose certaine, ils ont déjà une deuxième série dans la poche grâce à cette victoire de ce soir contre l'équipe du Japon. Effectivement, puis j'aimerais ça. Là, demain, gagner cette série-là, ça me donnerait tout un élan là, pour la grosse série qui s'en vient avec les Capitales de Québec à partir de mardi. Donc voilà, c'était René Martin, directeur général des Aigles. Et de mon côté, bien en terminant, je vous rappelle que les Aigles l'ont emporté ce soir en toute fin de match face à l'équipe du Japon. Victoire de 5-4 grâce à un simple de Brown Capoussé-Ruiz au marbre. Sommaire complet du match pour le Japon, 4 points sur 7 coups sûrs et 2 erreurs pour les Aigles, 5 points sur 12 coups sûrs et aucune erreur. La victoire va au dossier de Kaoe Downing. C'est une troisième pour lui cette saison. La défaite va à Usumu Taira. C'était le lanceur de fin de match pour l'équipe du Japon. Résultat ailleurs ce soir dans la Ligue Canam. Bien, je viens tout juste d'en parler avec René. Ottawa l'emporte 17 contre New Jersey. Rockland mène 6-2 en cinquième contre Cuba. Et je vais actualiser ma page, voir si le match à Québec est terminé. Le match à Sussex plutôt, oui, victoire de Sussex, plutôt victoire des Capitales de Québec, 6-1 contre Sussex du côté du Scarland Park à Sussex. Notre prochain rendez-vous, ce sera pas plus tard que demain après-midi. On verra sur la butte Porfirio Lopez pour les Aigles. Il sera opposé à Shungo Fukunaga. Le match est à 13h05, donc émission d'avant-match de 12h55 sur nos ondes. Et en terminant, je tiens à mentionner l'excellent travail de Mathieu Plante à la mise en onde de ce reportage également. Merci, Simon. Il s'occupait de la ligne ouverte ce soir. Et sur ça, je vous souhaite une excellente soirée sur nos ondes. Et on se dit à demain pour un autre match des Aigles à C'est fou 89.1. Je pense qu'il m'entend pas, mais je voulais dire de prendre ses suppositoires pour l'atout. Bye! C'était le baseball des Aigles de Trois-Rivières avec Simon Laliberté à la description du match. Pour connaître l'horaire de diffusion des prochains matchs sur nos ondes, visitez lesaigletr.com.